À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le comité slovène pour le souvenir du président Kim Il-sung a présenté le 30 juin dans leur homepage d'Internet son œuvre classique, Maintenant l'indépendance, et l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, La cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il triomphera à coup sûr.